J'ai pas changé, je suis le même, je reste avec tous mes carnalitos. Tu peux me trouver à la place en train d'écrire dans une Clio. Je reste à la vue toujours, je regarde pourquoi ça crie. Je crois que ça c'est pas où je suis, c'est alors je fais un gros trio. Fils de pute, fais gaffe, t'en sans faire esprit, tu donnes des tuyaux. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu fais pleurer ma dremia. Mamma mia, dans la zone ça traîne nous dit. Lâche pas une fois, on sera où tu es. Appelle-moi Enrico, sur toi je vais l'hélico. Despacito, despacito, les petits dépôts ta caisse sont partis à peu mécaniciens. Moi ça m'a dit que c'est comme si t'enlevais les balles aux drogues aux galiciens. Big up tous mes voleurs qui font courir Sergent Garcia. Un 3-5 c'est pas de couteau calibre, c'est arrêter de faire dans Marcel. C'est plein de salades, chic ça me salit, chic ça l'ouvre. Chic ça se laisse, ça me dit que ça me love. Mais quand même, j'trouve ça louche, j'traîne avec mes carnalito. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le tricot. J'traîne avec mes carnalis. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le tricot. Rien que ça rage, rien que ça se lâche, ça dit que ça me chasse. Les gens, j'connais même pas leur ganache. Drôle de manège, ça se croit invincible. Grâce à ski sur la neige, j'suis au quartier en TDM, en lambeau ou même à patte. J't'en fais dur, là si j'veux, j'm'achète mon billet sur Mars. Mamacita, mamacita, ce soir j'vais pas rentrer zito. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalitos. Mamacita, mamacita, ce soir j'vais pas rentrer zito. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalitos. Viens voir, j'suis ma tire. Viens voir, j'suis ma tue. Viens voir, j'suis ma pue. La crise dans des pépins en Versailles. Moi j'ai pas la patience, moi j'prends la patience. Tes manières, ça n'a pas de sens. Ça jalouse de moi fort, ça veut me jeter le mauvais sort. Moi j'suis en mauvais oeil quand j'suis dans le merco compresseur. T'es l'élève, j'suis le professeur et j'sais que si tu travailles plus que moi, tu peux être le patron, ton salaire ça j'traîne avec moi. Mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et de platine sur le tricot. J'traîne avec mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et de platine sur le tricot. J'traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le tricot. J'traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico.